Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui Anaïs, dans le journal de l'histoire, c'est une histoire d'espionne. Yeah, you have to talk real slow. My name is pronounced Mart. Marthe Hofnungkohn vit en Californie. Fringante et minuscule vieille dame, elle maîtrise parfaitement les technologies de l'information moderne et s'attriste quand son hôtel n'a pas la Wi-Fi. Nicolas Hens la filme au fil de ses inlassables tournées de témoignages à travers le monde, toujours accompagnée de son mari, deux nonagénaires très busy. Parce que Marthe a une mission à accomplir, celle de raconter son histoire, celle du temps où on l'appelait Chichinette dans les services de l'intelligence de l'armée française, qu'elle a probablement tourmentée pour mériter son surnom. J'ai été soumise à un entraînement extrêmement intensif. Il y avait comme moi et des hommes. Et ils m'enseignaient toute la journée. J'ai appris le morse, à utiliser un compas, à coder et reconnaître toutes les uniformes allemands. Et on m'a appris à utiliser toutes les armes, même les mitrailleuses. C'était drôlement lourd à bouger. Marthe est issue d'une famille juive de Metz et fait rapidement office de renseignement pour tous ceux qui souhaitent passer en zone libre dès le début de l'occupation allemande en 1940. Sa sœur est arrêtée et déportée, son fiancé résistant est fusillé au Mont-Valérien. Elle passe en zone libre et devient infirmière, déçue de se voir refuser d'entrer dans la résistance pour reprendre le flambeau de ses proches disparus. C'est après la libération de Paris que Marthe prend sa revanche. Je pensais à l'histoire tout le temps, mais je n'en ai parlé que quand j'ai compris que c'était important d'en parler. En 1996, la Shoah Foundation de Spielberg annonçait qu'ils aimeraient que les gens qui ont combattu pendant la guerre se fassent connaître. Et j'ai accepté de témoigner. Je pouvais prouver qu'une Française, une Juive, a combattu. Engagée dans l'armée, elle met à profit sa maîtrise de l'allemand pour passer en Allemagne et renseigner l'état-major sur les mouvements de troupes de la Wehrmacht sur la ligne Siegfried. Marthe, avec son espionnage modeste, à pied puis à vélo, est couverte de médailles à la fin de la guerre et disparaît. Mariée à un médecin américain, Major, qu'elle assiste pendant 40 ans, elle sort de son anonymat en répondant à l'appel à témoignage de Steven Spielberg dans les années 90 et commence une nouvelle vie faite de voyages aux quatre coins du monde. C'est désormais son mari qui l'assiste sans rechigner. L'histoire de Marthe, c'est l'histoire d'une résistante qui n'est certainement pas devenue une héroïne par hasard. Chichinette, ma vie d'espionne de Nicolas Hens sort en salle aujourd'hui. Et ça vaut le coup d'aller le voir, Chichinette, personnage extraordinaire de petite taille comme Benjamin Lay dont on parlait avec Marcus Redicker, personnage exceptionnel. Elle est petite. Pas de petite taille quand même, elle est petite. Mais je veux te dire, elle n'est pas naine, c'est ça que vous voulez dire, Anaïs? Exactement. Elle est petite quoi. Petite, mais personnage extraordinaire qui va bientôt avoir 100 ans. Toutes les informations, les liens utiles concernant Chichinette sur la page du journal de l'histoire sur franceculture.fr.